La lumière se reflète sur le grand plancher, vaste étendue de bois mort, lustré, où la poussière s'organise en société presque civilisée. Il est des naufrages dont on ne revient pas entier. Je laisse mon âme errer sur une plage de galets. Je reste seul à croire que je ne peux plus aimer. Assis dans le salon, je m'écoute parler. La la la la. Il est des naufrages dont on ne revient pas entier. Je me lasse d'arpenter les miasmes de ma velléité. Je tombe à genoux, je me rétracte, m'immobilise. Petite boule de chair et d'os qui se dessèche au soleil de ses propres pensées. Au soleil de ses propres pensées. Au soleil de ses propres pensées.